Avec qui, Cléa? Je vais regarder, je vais prendre sa place, je pense. Je pense qu'il aime pas trop, en fait, le PS. Tu retiens mal ta raquette, Cléa? Bah non, c'est pas trop mal. Après, plus tu vas lui mettre des balles sur les côtés, plus tu vas la mettre en difficulté. Le but du jeu, c'est pas de la mettre en difficulté, c'est de la mettre en facilité. La zone au centre. Oui.